Chapitre 17. L'oreille. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Non, pas ainsi. Nous avons répété ce mouvement 100 fois, ma chère fille. Est-il si difficile pour vous de le mémoriser? Bérénilde se posa sur une bergère du salon, animée par cette grâce naturelle qui enveloppait chacun de ses gestes, et se remit debout avec la même fluidité. Ainsi. Vous ne pouvez pas vous laisser tomber comme un sac de charbon. Vous devez être aussi harmonieuse qu'une partition musicale. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Non, non, non. Trop tard. Ophélie était tombée à côté de sa chaise. À force de s'asseoir et de se rasseoir, elle avait attrapé le tournis. Accepteriez-vous, madame, que nous nous en tenions là? Demanda-t-elle en se relevant. Nous pratiquons cet exercice depuis trop longtemps pour que je le réalise correctement. Bérénilde haussa ses sourcils parfaitement épilés et agita son éventail avec un sourire malicieux. J'ai observé une belle aptitude chez vous, mon enfant. Vous êtes très forte pour dissimuler votre insolence sous de petits airs soumis. Je crois pourtant n'être ni insolente ni soumise, repartit calmement Ophélie. Bérénilde, laisse cette pauvre enfant souffler, tu vois bien qu'elle ne tient plus debout. Ophélie adressa un sourire reconnaissant à la grand-mère, occupée à tricoter près de la cheminée. La vieille dame était aussi indolente et aussi silencieuse qu'une tortue, mais quand elle intervenait dans une conversation, c'était souvent pour prendre sa défense. De fait, Ophélie était rompue de fatigue. Bérénilde l'avait sortie du lit à 4 heures du matin par foucade, prétextant qu'il fallait impérativement travailler son maintien. Elle l'avait obligée à avancer avec un livre en équilibre sur la tête, lui avait fait monter et descendre les escaliers du manoir jusqu'à être satisfaite de sa démarche, et cela faisait plus d'une heure qu'elle s'acharnait sur sa tenue en chaise. Depuis qu'elle ne recevait plus de visiteurs, Bérénilde consacrait ses journées à refaire l'éducation d'Ophélie, sa façon de se tenir à table, de choisir ses robes, de servir le thé, de faire des compliments, d'articuler ses phrases. Elle l'étouffait tellement de recommandations qu'Ophélie n'en retenait pas la moitié. « C'est entendu, maman, » soupira Bérénilde. « Je suis certainement plus lasse encore que cette chère petite. Lui inculquer les bonnes manières n'est pas de tout repos. » Ophélie songea que Bérénilde se fatiguait inutilement, qu'elle ne serait jamais une fiancée caressante, gracieuse et spirituelle, et qu'il y avait des choses autrement plus importantes dont elle aurait dû l'instruire. Elle n'en dit rien, évidemment. Désapprouver Bérénilde ne l'aiderait pas à se réconcilier avec elle. Ophélie gardait plutôt ses questions pour Thorne lorsqu'il daignait lever le nez de ses dossiers ou raccrochait le téléphone, c'est-à-dire très rarement. Le ton qu'il employait pour s'adresser à elle était un peu forcé, mais il ne les conduisait jamais. Ophélie en apprenait chaque jour davantage sur la généalogie des dragons, leurs us et coutumes, leur extrême susceptibilité, les gestes qu'il fallait éviter devant eux et les mots qui ne devaient pas être prononcés en leur présence. Le seul sujet qui n'était jamais abordé, ni par Ophélie ni par Thorne, c'était leur mariage. « Pouvez-vous me passer les cigarettes, ma fille? Vous les trouverez sur la cheminée. » Bérénilde s'était assise au fond d'un fauteuil près de la fenêtre, toute noire d'orage. Les mains posées sur un ventre qui ne s'arrondissait pas encore, elle ressemblait à une future maman épanouie. C'était une image trompeuse. Ophélie le savait. Bérénilde portait l'enfant d'un seigneur qui ne s'intéressait plus à elle. Sous le beau visage de porcelaine se cachait du désarroi amoureux et un orgueil mortellement blessé. D'une tape amicale de la main, Bérénilde désigna le siège voisin à Ophélie quand elle lui apporta ses cigarettes. « Je reconnais avoir été un peu stricte ces derniers temps. Venez donc vous reposer auprès de moi. » Ophélie aurait préféré prendre un bol de café en cuisine, mais elle ne pouvait faire autrement qu'obéir aux caprices de cette femme. À peine fut-elle assise que Bérénilde lui tendit son étui à cigarettes. « Prenez-en une. » « Sans façon, » déclina Ophélie. Prenez-en une, vous dis-je. Les fumoirs sont des lieux de sociabilité incontournables. Vous devez vous y préparer dès à présent. » Ophélie attrapa une cigarette du bout des doigts, incertaine. Si la tante Roselyne la voyait, elle serait certainement très contrariée. La seule et unique fois où elle avait fumé du tabac, elle avait 11 ans. Elle en avait pris juste une bouffée à la pipe de son père et elle avait ensuite été malade toute la journée. « Retenez bien ceci, » dit Bérénilde en inclinant son fume-cigarette vers la flamme d'un briquet. « Si un homme se tient près de vous, c'est à lui d'allumer votre cigarette. Aspirez lentement la fumée et diffusez-la discrètement dans l'atmosphère, comme ceci. Ne la soufflez jamais au visage de quelqu'un. Ça se terminerait en duel. Essayez un peu pour voir. » Ophélie toussa, cracha, larmoya. Sa cigarette lui échappa des doigts. Elle eut juste le temps de la récupérer avant que son écharpe ne prît feu. Elle décida que ce serait sa dernière tentative. Bérénilde éclata d'un rire cristallin. « N'y a-t-il pas une seule chose que vous sachiez faire convenablement ?» Le rire de Bérénilde s'éteignit sur ses lèvres. Ophélie suivit son regard en tout sautant au-delà des portes ouvertes du salon. Dressée au milieu du couloir, du courrier à la main, Thorne assistait à la scène, sans mot dire. « Viens te joindre à nous !» proposa Bérénilde d'une voix onctueuse. « Pour une fois que nous nous amusons un peu !» Ophélie, elle, ne s'amusait pas tellement. Elle avait mal aux poumons d'avoir trop toussé. Thorne resta fidèle à lui-même, raide, de la tête aux pieds, aussi sinistre qu'un employé de pompe funèbre. « J'ai du travail, » marmonna-t-il en s'éloignant. Son pas lugubre se perdit au fond du couloir. Bérénilde écrasa sa cigarette dans le cendrier d'une table basse. Le geste trahissait de la contrariété. Même son sourire avait perdu de son velouté. « Je ne reconnais plus ce garçon. » Ophélie essaya de calmer son écharpe qui se débobinait de son cou comme un serpent en fuite. L'incident de la cigarette l'avait affolée. « En ce qui me concerne, je ne le trouve pas très différent de d'habitude. » Les yeux limpides de Bérénilde se perdirent à travers la fenêtre dans les nuages gorgés d'orage qui pesaient sur le parc. « Que ressentez-vous pour lui ?» murmura-t-elle. « Je me flatte de savoir percer les émotions de n'importe quel visage, mais le vôtre demeure un mystère pour moi. » « Rien de particulier ?» répondit Ophélie en haussant les épaules. « Je connais trop peu cet homme pour avoir la moindre opinion sur la question. Sottise !» D'un mouvement du poignet, Bérénilde déploya son éventail comme si elle se consumait de l'intérieur. « Sottise !» reprit-elle plus posément. « On peut aimer d'un seul regard. D'ailleurs, on ne s'aime jamais si bien que quand on se connaît fort mal. » Des paroles bien amères, mais Ophélie n'était pas suffisamment sentimentale pour se sentir concernée. « Je ne suis pas plus éprise de votre neveu qu'il ne l'est de moi. » Bérénilde la considéra pensivement. Ses bouclettes blondes qui dansaient comme des flammes à chaque mouvement de son visage s'étaient figées. Prise dans le faisceau implacable de ce regard, Ophélie se sentit soudain l'âme d'une brebis jetée entre les pattes d'une lionne. Ses migraines reprirent de plus belle. Elle eut beau essayer de se convaincre que cette douleur n'était pas réelle, que c'était l'esprit de Bérénilde qui parasitait le sien, ça lui fit quand même mal. De quoi cette femme la punissait-elle réellement, au fond ? « Faites ce que vous voulez de votre cœur, ma fille. J'attends uniquement que vous remplissiez vos devoirs et que vous ne nous déceviez pas. Elle ne me punit pas. » réalisa alors Ophélie, les poings serrés sur sa robe. « Elle veut me dompter. C'est mon indépendance d'esprit qui l'inquiète. » Au même instant, le timbre d'une sonnette retentit dans le manoir. Un visiteur s'annonçait. Qui que ce fût, Ophélie le loua intérieurement pour cette venue providentielle. Bérénilde s'empara d'une clochette sur la table basse et l'agita. Il y en avait de semblables sur chaque meuble du manoir, afin de pouvoir solliciter un domestique depuis n'importe quelle pièce. Une servante se présenta aussitôt sur une révérence. « Madame ?»« Où est Madame Roselyne ?»« Dans le cabinet de lecture, madame. Elle était très intéressée par la collection de timbres de madame. » Déridée, Ophélie songea que tant qu'il y aurait du papier dans cette maison, sous quelque forme que ce fût, la tante Roselyne trouverait de quoi s'occuper les mains. « Qu'on veille à ce qu'elle y reste le temps que je reçoive, » ordonna Bérénilde. « Oui, madame. Et raccompagne cet enfant dans ses quartiers, » ajouta-t-elle avec un signe de la main en direction d'Ophélie. « Bien, madame. » Comme une petite fille qui n'aurait pas été sage, Ophélie fut enfermée à double tour dans sa chambre. C'était le même cérémonial chaque fois que quelqu'un se présentait au domaine, autant s'armer de patience. Quand Bérénilde recevait, cela pouvait durer des heures. Ophélie taquinait son écharpe qui se tortillait joyeusement sur le tapis lorsque les gloussements des servantes lui firent dresser l'oreille. « C'est Monsieur Archibald. Tu l'as vu? De tes yeux vus? J'ai même pris son chapeau et ses gants. Oh, pourquoi ce n'est jamais à moi que de telles choses arrivent ?» Ophélie plaqua son oreille sur la porte, mais les pas précipités s'éloignaient déjà. Était-il possible que ce fût l'Archibald du jardin d'été? Elle entortilla ses cheveux autour de ses doigts, en supposant que ce fût lui. Que se passerait-il s'il évoquait sa rencontre avec une animiste en pleine fête mirage? « Bérénilde me la serrera à coups de griffe, » conclut Ophélie. « Et si j'en réchappe, Thorn ne répondra plus jamais à mes questions. Dans quelle soupière suis-je allée me mettre ?» Elle fit les 100 pas dans sa chambre. De ne pas savoir ce qui se tramait dans son dos en ce moment même, lui mettait les nerfs à vif. Elle trouvait déjà l'atmosphère irrespirable depuis son escapade. Elle ne tenait pas à ce que sa relation avec sa belle famille se dégradât tout à fait. N'y tenant plus, elle tambourina à la porte de sa chambre jusqu'à ce que quelqu'un vînt lui ouvrir. « Oui, mademoiselle ?» Ophélie eut un soupir de soulagement, c'était Pistache, sa femme de chambre. Cette adolescente était le seul membre du personnel qui se permettait quelque familiarité lorsque les maîtres n'étaient pas dans les environs. « Il fait un petit peu froid dans ma chambre, » dit Ophélie avec un sourire désolé. « Serait-il possible d'allumer un feu ?»« Pour sûr !» Pistache entra, referma la porte à clé et ôta la grille de la cheminée. « J'ai cru comprendre que Madame Bérénilde recevait un visiteur important. » souffla Ophélie à voix basse. Pistache plaça des bûches dans l'âtre et lui décrocha un regard pétillant par-dessus son épaule. « Ouida ! » chuchota-t-elle d'une voix excitée. « Monsieur l'ambassadeur est ici. Et puis, c'est un sacré épatement pour madame. » D'un geste coquet, elle épingla son bonnet de dentelle de façon à lui redonner un peu d'allure. « Oh là là, mademoiselle, ne vous en approchez jamais. Il aurait au fait de vous mettre dans son lit. Et puis, on m'a dit que même madame n'a pas été capable de lui résister. » L'accent très prononcé de l'adolescente fraîchement arrachée de sa province empêchait Ophélie de la comprendre parfaitement, mais elle avait saisi l'essentiel. C'était bien l'Archibald qu'elle connaissait. Elle s'agenouilla près de Pistache devant le feu qui commençait à prendre dans une délicieuse odeur de résine. « Dites-moi, ne pourrais-je assister à l'entretien entre Madame Bérénilde et cet ambassadeur ? En toute discrétion, bien sûr. » Pistache grimaça. Elle non plus, elle ne comprenait pas toujours son accent. Quand Ophélie répéta plus lentement, elle pâlit tellement que ses taches de rousseur ressortirent comme un feu d'artifice. « Je peux pas. Si madame apprend que je vous ai laissé sortir sans permission, je suis morte. Je suis vraiment désolée, mademoiselle, » soupira Pistache. « Je me doute que vous devez crever de solitude ici, et puis vous me traitez avec respect. Vous me donnez du jus, vous me prêtez une oreille bienveillante, mais il faut me comprendre. Je peux pas. C'est tout. » Ophélie se mettait à sa place. Bérénilde ne plaisantait pas avec la fidélité de ses domestiques. Qu'un seul parmi eux la trahît, et ils seraient sans doute tous pendus. « Ce dont j'ai besoin, c'est juste un miroir, » déclara-t-elle alors. La soubrette secoua ses nattes d'un air navré. « Je peux pas. Madame vous a interdit les glaces, oui, pas les miroirs de poche. Je ne pourrais pas sortir de cette chambre par un miroir de poche, n'est-ce pas ?» Pistache se mit aussitôt debout et épousta son tablier blanc. « Juste. Je vais vous chercher ça tout de suite. » Quelques instants plus tard, Pistache revint avec un miroir à main, une véritable œuvre d'art sculptée en argent et cerclée de perles. Ophélie le prit avec précaution et s'assit sur son lit. Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus commode, mais ça ferait l'affaire. « Où, à votre avis, Madame Bérénilde est-elle en train de recevoir l'ambassadeur ?» Pistache plongea les poings au fond des poches de son tablier, un geste désinvolte qu'elle ne se serait jamais permis devant ses maîtres. « Un invité de marque, c'est toujours au Salon Rouge ?» Ophélie se représenta dans le Salon Rouge, ainsi baptisé pour ses magnifiques tapisseries exotiques. Il y avait deux glaces là-bas, l'une au-dessus de la cheminée et l'autre au fond d'un argentier. La seconde serait la cachette idéale. « Excusez mon indiscrétion, mais vous allez en faire quoi du miroir ?» demanda Pistache, très intrigué. Ophélie lui sourit, posa un doigt sur sa bouche et retira ses lunettes. « Ça restera entre nous, n'est-ce pas ? Je vous fais confiance. » Sous les yeux stupéfaits de Pistache, Ophélie posa le miroir contre son oreille jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement englouti. L'oreille émergea à l'intérieur de l'argentier du Salon Rouge, à l'autre bout du manoir. Ophélie reconnut aussitôt la voix badine d'Archibald, à demi étouffée par la vitre du meuble. « Est-ce que Madame Séraphine, qui aime à s'entourer des faibles ? Sa petite fête fut exquisément décadente, mais votre grain de sel manquait. Nous vous avons regretté. » Archibald se tut, un tintement de cristal. On devait lui remplir son verre. Tout comme nous vous regrettons à la cour, poursuivit-il bientôt d'un ton suave. La voix de Bérénilde s'éleva à son tour, mais elle parlait trop doucement pour qu'Ophélie pût l'entendre, même en se bouchant l'autre oreille. Devant elle, Pistache était ébahi. Ne me dites pas, mademoiselle, que vous entendez ce qui se cause en bas. Son miroir, tenu comme un cornet de téléphone, Ophélie lui fit signe de ne pas faire de bruit. Archibald était en train de donner la réplique. « Je sais cela, et c'est précisément la raison de ma venue ici aujourd'hui. Les gazettes vous ont dépeint en des termes si alarmants que nous vous croyons à l'agonie. Notre seigneur Farouk, qui n'est pourtant pas du genre à se soucier d'autre chose que son plaisir, montre des signes d'inquiétude à votre sujet. » Un silence. Bérénilde devait lui répondre. « Je sais que ces torchons exagèrent toujours, » fit la voix d'Archibald, « surtout quand c'est la jalousie qui s'exprime à travers eux. Je me dois cependant de vous parler sans fard. Vous n'êtes plus une toute jeune femme, mais un accouchement, à votre âge, peut s'avérer hasardeux. Vous êtes en position de vulnérabilité, Bérénilde. Votre domaine, pour confortable qu'il soit, n'a rien d'une place forte et indomestique. Ça se corrompt facilement. Sans évoquer tous ces poisons qui circulent actuellement sur le marché. » Cette fois, lorsque Bérénilde intervint, Ophélie saisit à la volée merci, mais et neveu. « Thorne ne peut pas être à vos côtés jour et nuit, » la gronda gentiment Archibald. « Je ne dis pas cela dans votre seul intérêt. L'intendance doit rouvrir ses portes. Trop d'affaires traînent devant les tribunaux, la milice provinciale se laisse aller, les courriers circulent sans accord, les contrôles se raréfient, et tout le monde escroque tout le monde. Hier encore, le Conseil des ministres dénonçait ces dysfonctionnements. » Peut-être était-ce sous le coup de l'irritation, mais la voix de Bérénilde devint bien plus distincte à l'intérieur de l'argentier. « Eh bien, délégué, mon neveu ne peut pas tenir seul la cétacielle à bout de bras. »« Nous en avons déjà parlé, Bérénilde. Que cherchez-vous, ambassadeur ? Si je ne vous connaissais pas, je dirais que vous essayez de m'isoler ou de me pousser à me défaire de mon enfant. » Le rire d'Archibald éclata si fort qu'Ophélie en sursauta. « Bérénilde, « pour quelle sorte d'odieux personnage me prenez-vous, moi qui pensais que nous nous comprenions bien, vous et moi ? Et puis, à quoi rime cet ambassadeur ? N'ai-je pas toujours été Archibald ? Et rien qu'Archibald pour vous ? Un bref silence se posa sur le salon rouge, puis Archibald poursuivit d'un ton plus sérieux. « Il est évidemment hors de question que vous écourtiez votre grossesse. Ce que je vous suggérais, en fait, c'était de venir vous installer chez moi et de laisser Thorne réintégrer son intendance. Je me fais un devoir personnel de veiller sur vous et sur l'enfant que vous portez. » Ophélie écarquilla les yeux derrière ses lunettes. Bérénilde chez Archibald. Thorne à l'intendance. La tante Roselyne et elle resteraient-elles donc seules au manoir? J'ai peur de devoir décliner votre proposition, dit Bérénilde. Et moi, j'ai peur de devoir vous l'imposer. C'est un ordre du seigneur Farouk. Au nouveau silence qui s'ensuivit, Ophélie n'eut aucun mal à imaginer l'émotion de Bérénilde. Vous me prenez au déboté. M'autorisez-vous à convoquer mon neveu? J'allais vous le demander, ma chère. De nouveau, le pas de Bérénilde s'éloigna au point de rendre inaudibles ses paroles, mais Ophélie avait entendu le son caractéristique d'une clochette. Bérénilde distribuait ses ordres. Archibald eut à peine le temps de débiter des banalités que Thorne entrait à son tour dans le salon rouge. Monsieur l'ambassadeur. Au seul son de ces mots prononcés sur un ton glacial, Ophélie visualisa des yeux tranchants comme du métal. Thorne détestait Archibald, elle le sut d'instinct. « Notre indispensable intendant !» s'exclama Archibald avec une intonation fondante d'ironie. « Je n'ai guère encore eu l'occasion de vous féliciter pour vos fiançailles. Nous nous languissons de connaître l'heureux élu. » Il avait dû se lever. Ophélie l'entendait sous un angle légèrement différent. Sa main s'était crispée autour du miroir. Un mot de travers dans la bouche de cet homme, et jamais plus elle ne connaîtrait la paix. « Ma fiancée est très bien où elle se trouve pour le moment, » rétorqua Thorne d'une voix de plomb. « Je suppose que oui, » susurra Archibald, doucereux. Ce fut tout. Il n'ajouta rien d'autre, ne fit aucune allusion à leur rencontre. Ophélie peinait à y croire. « Venons-en au fait, » enchaîna-t-il joyeusement. « Monsieur l'intendant, vous êtes sommé de reprendre vos fonctions séance tenante. La citatielle se disperse à tous les vents. »« C'est hors de question, » déclara Thorne. « C'est un ordre, » rétorqua Archibald. « Je n'ai que faire de vos ordres. J'entends rester auprès de ma tante jusqu'à la naissance de son enfant. »« Ce n'est pas un ordre de moi, mais du seigneur Farouk. J'assurerai moi-même sur sa demande la sécurité de votre tante. » Un silence interminable emplit l'oreille d'Ophélie. Elle était si absorbée par ce qu'elle entendait qu'elle en oubliait complètement la présence de Pistache en face d'elle, brûlante de curiosité. « Qu'est-ce qu'ils disent, mamselle? Qu'est-ce qu'ils disent ?»« Je présume qu'aucun recours n'est envisageable. » Finit par articuler la voix de Thorne avec une extrême raideur. « Aucun, en effet. Prenez vos dispositions dès aujourd'hui. Bérénilde, vous vous rendrez au clair de lune ce soir. Un bal sera organisé en votre honneur. Madame, monsieur, je vous souhaite le bonjour. »